Ce qui m'inspire le plus concernant la défense des droits de l'homme, c'est en fait quand on travaille avec une personne et on a du succès avec cette personne-là en ce qui concerne leurs droits et leur vie. Et comme ça, on a vraiment une motivation très, très personnelle. Je me rappelle quand j'ai travaillé en Bosnie-Herzégovine, on a beaucoup travaillé avec des Roma et des Sinti dans des camps là-bas à Mostar, dans la ville où on a habité. Et là, on a vraiment fait des changements qui étaient vraiment incroyables. On a vraiment eu des histoires et des personnes incroyables et inoubliables. Et pour moi, ces histoires-là, ça c'est toujours une de mes plus grandes inspirations pour continuer à défendre les droits de l'homme.